Lettre 33e, suite de la précédente. 13 mai. Monsieur Mirvan a commencé ses opérations, et j'espère qu'il n'ira pas plus loin, car la pauvre Madame Duval a déjà assez de sujets d'être mécontente de la visite de Sœur Clément. Hier matin, pendant le déjeuner, le capitaine étant occupé à lire la gazette, Sœur Clément lui demanda la permission de la parcourir pour voir s'il était question d'une affaire très fâcheuse qui était arrivée à certains Français la veille de son départ. « Le cas est grave, ajouta-t-il, et même pendable, si je ne me trompe. » Le capitaine voulut savoir des détails. Sœur Clément se mit alors à lui faire une longue histoire. Il lui conta qu'en passant près de la tour avec quelques amis, il avait entendu la voix d'un homme qui criait « grâce » en français, et s'étant informé de quoi il s'agissait, il avait appris que cet étranger venait d'être arrêté pour crime de trahison. « Le pauvre diable, continua-t-il, ayant remarqué que je parlais sa langue, me supplia de l'écouter. Il me protesta qu'il était honnête homme, qu'il n'était en Angleterre que depuis peu, et qu'il se proposait de repasser dans sa patrie dès qu'une dame de sa connaissance serait de retour d'une course qu'elle était allée faire à la campagne. » Madame Duval changea de visage et redoubla d'attention. Quoique je n'aime pas trop cette foule d'étrangers qui viennent sans cesse fondre sur notre pays, je ne pus m'empêcher pourtant d'avoir pitié de ce malheureux qui ne savait pas assez l'anglais pour se défendre. Mais il me fut impossible de le secourir. La populace était déjà ameutée et je crains qu'il n'en ait été rudement traité. « L'a-t-on un temps soit peu plongé ?» lui demanda le capitaine. « Je crois que oui. »« Tant mieux, » répondit M. Mirvan. « C'est tout ce que méritent ces faquins de Français. » « Je parie que celui-ci est un coquin. »« Puissiez-vous avoir été à sa place ?» interrompit Madame Duval. « Mais de grâce, monsieur, ne savait-on pas qui était cet homme ?»« Sœur Clément. »« Si fait, et même, on m'a dit son nom, mais il m'est échappé. » »« Madame Duval. »« Ce ne serait pas par hasard, monsieur Dubois ?» Sœur Clément. « Précisément, lui-même. Je me le rappelle à présent, très distinctement. » Madame Duval. « Dubois ? Monsieur Dubois, dites-vous ? » Et sa tasse lui tomba des mains. Le capitaine. « Dubois, eh, c'est mon ami, monsieur Croquenjambe. » « Eh bien, il aime les bains froids, et on les lui aura donnés, je gage tout son sou. » Madame Duval. « Et moi, je gage que vous êtes un... Mais ne vous réjouissez pas tant. Je ne crois pas un mot de toute cette histoire. Monsieur Dubois n'est pas plus en prison que moi. » Sœur Clément. « Il me semblait bien que j'avais vu cet homme quelque part, et je me souviens maintenant que c'était avec vous, madame. » Madame Duval, avec moi ? Le capitaine. Mais c'est donc lui, rien n'est plus clair, et que croyez-vous qu'on lui fera ? Sœur Clément. Je n'en sais rien. Mais s'il n'a pas de puissante protection, je crains bien qu'il ne passe mal son temps. On ne badine point avec ces sortes d'affaires. Le capitaine. Ne vous semble-t-il pas que cela prend tout doucement le chemin de la potence ? Sœur Clément secoua la tête sans répondre. Madame Duval ne fut plus la maîtresse de cacher son trouble. Elle sauta en bas de sa chaise en s'écriant d'une voix à moitié étouffée. « Le pendre, non, on ne le pourra, on ne l'osera pas. Qu'ils essayent s'ils en ont le courage. Mais tout ce que vous dites est faux, je n'y ajoute pas la moindre foi. De ce pas, je vais à Londres chercher M. Dubois. Rien ne peut me retenir. » Madame Mirvan la pria de ne pas s'alarmer, mais elle se précipita hors de la porte et monta dans sa chambre. Lady Howard blâma les deux messieurs de s'y être pris si brusquement, et elle sortit pour suivre Madame Duval. Je l'aurais accompagnée si M. Mirvan ne m'avait retenu, et après quelques éclats de rire, il me dit qu'il allait lire ses instructions à l'équipage. « Quant à Lady Howard, poursuivit-il, je ne prétends pas l'enrôler, et elle restera libre de faire ce qui lui plaira. Mais pour vous autres, j'en attends une parfaite soumission à mes ordres. Je me suis engagé dans une expédition hasardeuse. Soyez sur vos gardes, et si quelqu'un avait des avis à me donner, qui puisse servir à avancer l'entreprise, qu'il parle, et je lui saurai gré de son zèle. Mais si, d'un autre côté, l'un de vous s'avisait de capituler, ou d'entretenir des intelligences avec l'ennemi, il sera considéré comme rebelle et chassé ignominieusement. » Après cette harangue, qui fut entrelardée de plusieurs termes de marine dont je ne me souviens plus, le capitaine fit signe à Sœur Clément et ils sortirent tous deux. Quoique j'aie essayé plusieurs fois de vous donner une idée des manières et du jargon de M. Mirvan, il faut pourtant vous imaginer, monsieur, que vous n'en avez qu'une faible esquisse. Je passe une quantité de termes barbares que je ne comprends pas, et autant de jurements que je ne veux pas comprendre, et dont je serais fâché de souiller ma plume. M. Madame Duval envoya de tous côtés pour savoir si elle pourrait faire le voyage de Londres dans une voiture publique. Mais le domestique du capitaine lui rapporta que le coach ne passerait que le lendemain à Howard Grove. Elle fit demander une chaise de poste et on lui dit qu'on manquait de relais. Tous ces contretemps l'impatientèrent au point qu'elle voulut se mettre en route à pied. Et Lady Howard eut les plus grandes peines à lui faire quitter ce projet insensé. Ces messages avaient rempli toute la matinée. Madame Duval parut au dîner beaucoup plus tranquille. Il déclara à diverses reprises qu'elle ne croyait rien de tout ce récit, du moins en tant qu'il intéressait M. Dubois, qu'apparemment se serait trompé de personnage. Le capitaine employa tous ses efforts pour lui persuader qu'elle se faisait illusion. Sœur Clément joua son rôle avec plus d'adresse. Il affecta de se rapprocher de l'avis de Madame Duval, et il convint qu'il pourrait y avoir de l'erreur dans le nom, mais en même temps, il eut soin d'augmenter son inquiétude en appuyant sur les dangers que courait cet inconnu et en exagérant la situation critique où il se trouvait. Nous fûmes à peine levés de table qu'on vint rendre une lettre à Madame Duval. Elle n'y eut pas plutôt jeté les yeux qu'elle demanda de qui elle venait. Le domestique lui répondit qu'elle avait été apportée par un garçon qui était reparti aussitôt. « Courez après, au plus vite, et ne manquez pas de me le ramener. Mon Dieu, quelle aventure !»« Qu'y a-t-il donc ?» lui dit le capitaine. « Rien, laissez-moi. Oh mon Dieu, que ferais-je ?» Elle se leva de sa chaise et se promena à grands pas dans sa chambre. « Cette lettre, » continua le capitaine, « est-elle du monsieur ?»« Non, et d'ailleurs cela ne vous regarde pas. »« Oh, dans ce cas, je suis sûr que j'ai deviné juste. Allons, madame, ne soyez pas si retenue. Contez-nous de quoi il s'agit. Que vous dit votre ami? A-t-il goûté le bain? Quel dommage que vous ne fussiez pas avec lui. » Le domestique revint et rapporta qu'il n'y avait pas eu moyen d'atteindre le messager. Madame Duval le gronda beaucoup et se mit dans une telle colère que Lady Howard crut devoir se mettre de la partie. Elle la pria de lui confier le sujet de son embarras et de disposer d'elle si elle pouvait lui être utile. Madame Duval lui répondit qu'elle souhaitait de lui dire un mot en particulier. « Retirez-vous, Miss Anville, » s'écria le capitaine. « Et vous aussi, Marion, pour que Madame Duval puisse nous ouvrir son cœur. »« Choisissez mieux votre dupe, monsieur, » répliqua-t-elle. « Vous ne m'attraperez pas, soyez-en bien persuadé. » Lady Howard lui proposa de passer dans une autre chambre et me dit de la suivre. Dès que nous fûmes seuls, Madame Duval se répandit en lamentations. « Oh, Milady, » s'écria-t-elle, « quel affreux accident !» Mais je n'osais pas m'expliquer en présence de ce brutal capitaine. Le récit de Sœur Clément n'est que trop vrai. Le pauvre Monsieur Dubois est arrêté. » Lady Howard tâcha de la tranquilliser et lui représenta que si Monsieur Dubois était innocent, il n'y avait rien à craindre pour lui et qu'il réussirait aisément à se justifier. « Oh, sans doute, Milady, il est innocent. J'en réponds, mais croyez-vous qu'on pourra le pendre ? Ce serait une méchanceté inouïe. » « Vous avez tort, » répliqua Lady Howard, « de vous inquiéter. Nous sommes dans un pays où on ne punit personne sans des preuves convaincantes. »« Soit, Milady, mais tout ce que je crains, c'est que ce capitaine ne pénètre le fond de cette aventure. Il en ferait des reproches éternels à moi et au pauvre Monsieur Dubois. » Lady Howard demanda à voir la lettre et elle lui promit des conseils. Madame Duval la lui montra. Elle était signée du clerc d'un juge de paix qui l'informait qu'un prisonnier arrêté pour crime de trahison disait être connu de Madame Duval et qu'avant de le transporter en prison, on avait bien voulu lui en écrire préalablement pour savoir si elle pouvait rendre un témoignage favorable au caractère et à la famille d'un Français nommé Pierre Dubois. Je ne comprends pas comment cette lettre a pu l'alarmer un moment. Est-il vraisemblable qu'un crime de cette nature puisse être du rapport d'un juge de paix de village ? La fausseté de cette intrigue sautait aux yeux, mais la pauvre Madame Duval, malgré son caractère violent, s'effraie de peu de choses. Elle a un fond de poltronnerie qui contraste singulièrement avec sa vivacité, et elle est si peu capable de réfléchir sur les circonstances ou la probabilité d'un événement qu'elle est toujours la dupe de sa simplicité. Je tranche le mot car je n'en connais pas d'autre pour exprimer la chose. Je suppose que Lady Howard se doutait déjà que toute cette histoire était une invention du capitaine, et la lettre devait confirmer ses soupçons. Elle désapprouvait assurément une aussi mauvaise plaisanterie, mais elle ne voulait pas se compromettre en révélant le secret. J'en juge ainsi par l'air embarrassé qu'elle affectait. et par le silence qu'elle gardait sur l'authenticité de la lettre pendant notre entrevue. Il est apparent qu'elle est convenue avec M. Mirvan de ne pas contrecarrer ouvertement ses projets, et cette connivence est peut-être nécessaire pour éviter des querelles. Madame Duval, sans attendre les conseils de Lady Howard, la supplia de lui accorder sa voiture pour qu'elle pût incessamment aller au secours de son amie. Milady lui répondit poliment qu'il ne tiendrait qu'à elle d'en disposer. Madame Duval accepta cette offre avec empressement, et elle demanda pour toute faveur que le capitaine ne fût point instruit de l'accident qui était arrivé à M. Dubois. Lady Howard lui promit qu'elle pouvait compter sur sa discrétion. Il fut résolu que je serai du voyage. Vous sentez, monsieur, que j'aurais désiré d'en être dispensé. Je sortis pour commander le carrosse et je trouvai le capitaine qui m'attendait déjà au bas de l'escalier. Il brûlait d'impatience de savoir l'issue de cette conférence. Sœur Clément survint en même temps et ils m'accablèrent de leurs questions. Je tâchai de les éluder autant que je pus. J'eus la plus grande peine à me débarrasser de ces deux importuns. Le carrosse fut bientôt prêt, et Madame Duval, qui avait prié Lady Howard de la faire passer pour indisposée, se glissa hors de la maison sans être vue de personne. Nous sortîmes par la porte du jardin. Elle ordonna au cocher de nous mener chez le juge de paix de Tyrell. C'était l'adresse que l'auteur de la lettre avait indiquée. Je me flattais que ce serait un nom supposé, mais à ma grande surprise, on nous dit que M. Tyrell demeurait à 9 000 d'ici. Nous partîmes. Notre course fut des plus ennuyantes. Madame Duval n'était occupée que de ses craintes pour la sûreté de M. Dubois. Elle se félicitait d'avoir échappé au capitaine, qu'elle croyait même capable de prévenir le juge de paix contre son ami. Je rougissais d'être enveloppé dans cette ridicule affaire et ne pensais qu'à la sotte figure que nous ferions chez M. Tyrell. Nous étions déjà en chemin depuis près de 2 heures et nous attendions à tout moment d'être rendus à notre destination lorsque j'observai que le domestique de Lady Howard, qui nous avait suivis à cheval, prenait les devants à perte de vue. Il revint bientôt sur ses pas et, s'avançant au galop vers la portière, il remit à Madame Duval un billet, qu'il disait tenir d'un messager que le clerc de M. Tyrell envoyait justement à Howard Grove. Il me glissa en même temps un papier dans la main sur lequel étaient écrits ces mots. « Ne vous alarmez pas, quoi qu'il puisse arriver, vous êtes en pleine sûreté, tandis que personne ne l'est avec vous. » Je reconnus d'abord le style de Sœur Clément. Je me préparais à quelque aventure désagréable, mais je n'eus guère le temps de prendre des précautions. Dès que Madame Duval eut achevé sa lecture, elle s'écria « Que faire à présent? Ne voilà-t-il pas que nous avons fait tout ce chemin inutilement ?» Elle me fit voir le billet. On l'y prévenait qu'elle ne se donna pas la peine d'aller chez M. Tyrell, puisque le prisonnier avait trouvé le moyen de s'évader. Je lui fis compliment de cette bonne nouvelle, mais elle était trop en colère pour m'en répondre, et en pestant contre la peine inutile qu'elle avait prise, elle donna ordre au cocher de retourner à Howard Grove avec toute la diligence possible. Elle espérait de regagner le château avant que le capitaine se fût aperçu de son absence. Nous cheminâmes fort tranquillement pendant 1 heure, et je commençais à croire que nous arriverions chez nous sans autre accident, quand tout à coup j'entendis le domestique qui disputait avec le cocher sur la route qu'il fallait prendre. Et après plusieurs contestations, ils nous confirmèrent qu'effectivement, nous nous étions déjà égarés. Ce nouveau contretemps ajouta encore aux frayeurs de Madame Duval, d'autant plus que ces deux drôles, suivant les instructions du capitaine, firent semblant de ne pas pouvoir retrouver le chemin. Nous leur ordonnâmes de nous conduire jusqu'à la première auberge où nous prendrions des informations. Bientôt après, nous fîmes halte devant une petite métairie où le domestique entra. Il revint nous dire qu'il s'était procuré à la vérité les directions nécessaires, mais qu'on lui faisait craindre que la route ne fût pas des plus sûres, qu'il croyait même devoir nous conseiller de donner en garde nos bourses et nos montres au fermier, qui lui était connu comme un parfaitement honnête homme et l'un des tenanciers de Milady. Madame Duval regarda autour d'elle d'un air farouche et s'écria dans son angoisse « Dieu nous assiste, nous allons être assassinés tous ensemble. » Le fermier se présenta à la portière et nous lui remîmes tout ce que nous avions sur nous. Les domestiques suivirent notre exemple. Dès ce moment, la colère de Madame Duval s'apaisa au point qu'elle prit à nos gens, dans les termes les plus honnêtes, de faire diligence. Elle promit de louer leur complaisance auprès de leur maîtresse. Elle faisait arrêter la voiture à chaque pas pour s'informer s'il y avait du danger. Enfin, elle succomba totalement sous le poids de ses craintes et elle engagea le domestique d'attacher son cheval au carrosse et de venir s'asseoir à côté d'elle. J'employai tous mes soins pour lui inspirer du courage, mais tout fut inutile. Elle ne quitta plus le bras du garçon et lui promit d'assurer sa fortune, pourvu qu'il lui sauva la vie. Son inquiétude me faisait une peine réelle, et je fus tenté plus d'une fois de lui avouer qu'on la jouait. Mais la crainte de m'attirer des désagréments inévitables de la part de M. Mirvan l'emporta sur mes bonnes intentions. Notre gardien mourait d'envie de rire, et il lui en coûtait visiblement de se contraindre. Tout d'un coup, nous entendîmes le cocher crier « Au voleur !» Le domestique ouvrit la portière et mit pied à terre. Madame Duval poussa les hauts cris. Alors, je ne pus me résoudre à garder plus longtemps le silence. « Au nom du ciel, madame !» lui dis-je. « Tranquillisez-vous. Nous ne courons qu'un risque. Vous êtes en sûreté. Tout ceci n'est qu'un... » Dans ce même instant, deux hommes masqués arrêtèrent le carrosse en exprimant par leurs gestes qu'ils demandaient nos bourses. Madame Duval, tout hors d'elle-même, cria grâce, et de mon côté je jetai un cri involontaire, quoique je fusse préparé à l'attaque. L'un des deux masques me retint par le bras, tandis que l'autre traîna Madame Duval hors de la voiture, malgré ses menaces et sa résistance. J'étais effrayé, et je tremblais comme la feuille. « De quoi vous alarmez-vous ? » me dit l'homme qui s'était emparé de mon bras. « Ne me connaissez-vous pas ? » Je ne me pardonnerai jamais d'avoir eu le malheur de vous faire une peur réelle. « Certainement, lui répondis-je. Sœur Clément, vous avez réussi à m'effrayer tout de bon. Mais au nom du ciel, où est Madame Duval? Qu'a-t-on fait d'elle ?»« Elle est en pleine sûreté. Le capitaine en prend soin. Mais souffrez, mon adorable miss, que je profite de ce moment précieux pour vous parler sur un sujet qui m'est infiniment plus cher et plus intéressant. » Il entra malgré moi dans le carrosse et s'assit à côté de moi. Il me fut impossible de lui échapper, quelque envie que j'en eusse. « Ne me refusez pas. » continua-t-il. « Oh, la plus aimable des femmes, ne me refusez pas la faveur de vous découvrir mon cœur, de vous dire combien je souffre de votre absence, combien je crains de vous déplaire, combien je suis pénétré de votre cruelle froideur. Monsieur, vous choisissez mal votre temps pour me tenir de pareils propos. De grâce, laissez-moi, courez au secours de Madame Duval. Je ne saurais consentir qu'on lui fasse éprouver des traitements aussi indignes. Et pouvez-vous désirer, pouvez-vous ordonner mon absence? Quand retrouverai-je l'occasion de vous entretenir, si ce n'est pas à présent? Ce capitaine me laisse-t-il un moment de repos, et ne suis-je pas environné sans cesse d'une foule d'importuns? Sœur Clément, je vous prie de changer de langage, sans quoi je ne vous écouterai plus. Ceux qu'il vous plaît d'appeler importuns sont du nombre de mes meilleurs amis, et si effectivement vous me vouliez du bien, vous parleriez d'eux avec plus d'égard. Vous vouloir du bien? Oh, Miss Enville, mettez-moi à l'épreuve. Montrez-moi ce qu'il faut faire pour vous convaincre de l'ardeur de mon amour. Dites quels sont les services que vous me permettez de vous rendre, et vous me verrez prêt à mettre ma fortune et ma vie à vos pieds. Je n'ai nul besoin, monsieur, de tout ce que je pourrais tenir de vous. Le seul service que j'attends de votre part, c'est de m'épargner à l'avenir des conversations aussi singulières. Encore une fois, laissez-moi, et croyez que c'est s'y prendre bien mal pour s'insinuer dans mon esprit que de tremper dans des complots aussi effrayants pour Madame Duval que désagréables pour moi. Ce projet de l'invention du capitaine, je m'y suis même opposé, quoique dire vrai, je n'eusse pas la force de me refuser au bonheur de hâter l'instant si longtemps désiré, où je pourrais vous parler encore une fois, sans être épié de vos amis. Je m'étais flatté d'ailleurs que mon billet aurait prévenu toutes vos alarmes. En voilà assez, je crois, monsieur. Et si vous ne jugez pas à propos d'aller trouver Madame Duval, souffrez du moins que je descende moi-même pour voir où elle est restée. Et quand oserais-je vous revoir? N'importe, je n'en sais rien, peut-être... Quand, ma chère, ce peut-être? Peut-être jamais, si vous me tourmentez de la sorte. Jamais? Oh, Miss Enville, ce mot cruel, ce mot glacé me fend le cœur. Je ne supporterai point une pareille disgrâce. Vous ne pouvez l'éviter qu'en vous retirant sur le champ. J'obéis, madame. Mais du moins, tenez-moi compte de ma soumission à vos ordres, et permettez-moi d'espérer que dans la suite, vous aurez moins de répugnance à m'accorder un tête-à-tête de quelques moments. Je fus choqué par la hardiesse de cette proposition, et je me préparais à y répondre lorsque l'autre masque s'avança vers la portière en étouffant de rire et en s'écriant « Ah ça, j'ai fini ma besogne. Notre vieille est en lieu de sûreté, mais il nous faut décamper au plus vite, sans quoi nous risquons d'être découverts. Sœur Clément me quitta aussitôt, se jeta à cheval et partit. Le capitaine le suivit, après avoir donné quelques ordres domestiques. J'étais très inquiète du sort de Madame Duval. Je descendis d'abord du carrosse pour la chercher. Je demandai au domestique de me montrer le chemin qu'elle avait pris. Il me l'indiqua par un signe. Je courus vers cet endroit et bientôt je trouvai la pauvre femme assise dans un fossé. Un mouvement de pitié me fit voler à son secours. Elle sanglotait, ou plutôt elle rugissait de colère. Dès qu'elle m'aperçut, elle redoubla ses cris, mais d'une voix si entrecoupée qu'il n'eut pas moyen de comprendre un mot de ce qu'elle disait. Je sentis dans cet instant combien j'avais eu tort de favoriser par mon silence les projets du capitaine, et peu s'en fallut que je ne me récriasse contre sa barbarie. Je fis tout ce que je pus pour consoler Madame Duval. Je tâchai de la persuader que nous étions maintenant hors de danger, et je la suppliai de retourner avec moi au carrosse. Elle ne me répondit rien, mais en écumant de rage et en frappant des deux mains contre terre, elle me fit signe de regarder ses jambes. Je vis alors qu'on lui avait lié avec une grosse corde qui était attachée à un arbre. Je voulus défaire le nœud, mais je ne pus en venir à bout et je fus obligé de recourir au domestique. Pour éviter cependant à Madame Duval la confusion de paraître dans cet état devant un valet, je lui demandai un couteau qui me servit à couper la corde et je réussis ainsi à la remettre sur pied. Mais quelle fut ma récompense ? Elle ne fut pas plutôt relevée qu'elle m'appliqua un rude soufflet. Cet acte de violence fut suivi d'un torrent d'injures et de reproches qu'elle débita d'un ton fort inintelligible. Tout ce que je pus démêler, c'est qu'elle s'imaginait que je l'avais quittée de bon gré. Elle paraissait persuadée d'ailleurs que ceux qui nous avaient attaqués étaient effectivement des voleurs. J'étais tout étourdi du coup que j'avais reçu, et je résolus d'abandonner Madame Duval à sa fureur. Mais son extrême agitation et ses souffrances réelles me rendirent bientôt ma pitié. Je lui protestai que j'avais été empêché malgré moi de la suivre, et que j'étais vraiment affligé du traitement qu'elle avait essuyé. Elle commença à se calmer un peu et je la priai de nouveau de retourner dans la voiture ou de permettre que je la fisse avancer. Elle n'y consentit qu'après que je lui fis sentir qu'un plus long séjour dans cet endroit nous exposerait à de nouveaux dangers. Frappée de cette idée, elle se détermina enfin à partir. Elle était dans un état effroyable, et je tremblais de la faire paraître devant les domestiques, qui, à l'exemple de leur maître, se préparaient à rire à ses dépens. Imaginez-vous une femme sortant d'un fossé, les cheveux hérissés, sans mouchoir, sans souliers, la robe déchirée, les jupes à moitié arrachées, le visage couvert de rouge, de sueur et de poussière, et vous trouverez que cette figure bizarre ne ressemblait guère à une créature humaine. Ce que j'avais prévu arriva. Dès qu'elle parut, les domestiques pensèrent étouffer de rire. Je la pressai de monter au plus vite en carrosse pour l'empêcher de se donner en spectacle. Mais toutes mes remontrances ne furent d'aucun effet. Elle ne lâcha prise qu'après avoir querellé tout le monde de n'être point venu à son secours. Le domestique essaya de se justifier, et sans oser la regarder en face, il lui conta que les voleurs l'avaient menacé de lui brûler la cervelle s'il s'avisait de faire un seul pas. Que l'un d'eux avait veillé de près la voiture et que l'autre s'était apparemment porté à ses excès parce qu'il s'était vu trompé dans l'attente de faire une riche capture. Madame Duval fut assez crédule pour adopter cette idée. Il me restait à être sur mes gardes pour ne rien laisser échapper qui peut faire soupçonner le fond de cette scandaleuse histoire. Une découverte de ce genre aurait amené une rupture ouverte avec le capitaine et m'exposait d'ailleurs à des désagréments inévitables. Un autre incident retarda encore notre départ. Madame Duval s'aperçut de la perte de ses boucles de cheveux. Cette découverte donna lieu à des recherches et à de nouveaux emportements. Chemin faisant, sa colère se convertit en tristesse. Elle lamenta sur son sort et elle s'écria qu'elle était la plus malheureuse des créatures. Dès que sa douleur fut un peu apaisée, je risquai de lui demander les détails de cette fâcheuse aventure. J'essaierai de rendre ce récit dans ses propres termes. Tout ce malheur ne serait point arrivé si ce faquin de valet ne nous avait point conseillé de nous dépouiller de nos bourses, car le voleur, voyant que je n'avais pas de quoi lui graisser la main, m'a tiré hors de la voiture, peut-être dans le dessein de m'assassiner. Il avait une force de lion. Jamais personne ne fut maltraité comme moi. Il m'a traîné tout le long du chemin dans la poussière en m'accablant de coups. Que ne puis-je le voir tenailler et écartelé tout vif Mais patience, il n'échappera pas à la potence. Dès qu'il m'eut mené à l'écart, il me battit comme plâtre, sans qu'aucun de ces misérables valets saute accouru à mes cris. Puis appuyant ses deux mains sur mes épaules, il m'a secoué de façon que j'en porterai les marques toute ma vie. Tous mes os sont démis. J'ai eu beau faire du bruit et me débattre, le traître a continué à me secouer jusqu'à me réduire en marmelade. Mais laissez faire. Dût-il m'en coûter mon dernier sol? J'aurai le plaisir de le voir pendre. Je viendrai à bout de le découvrir, s'il reste encore une ombre de justice en Angleterre. Quand il a été là de me traiter de la sorte, il m'a saisi à bras le corps et m'a jeté dans le fossé. Pour le coup, je croyais que c'en était fait de moi. Il a étendu ses mains et m'a fait encore une fois signe de lui donner de l'argent. Le coquin était assez rusé pour ne pas prononcer un seul mot, afin de ne pas se trahir par la voix. Mais je le retrouverai bien sans cela. Quand il a vu que je n'avais rien à lui donner, il a recommencé à me sangler de rudes coups, et après m'avoir appuyé contre un arbre, il a tiré une grosse corde de sa poche. J'étais prête à tomber en faiblesse, car je suis sûr que son intention était de m'étrangler. J'ai crié au meurtre, et je lui ai promis, dans l'angoisse où j'étais, que pourvu qu'il épargnait ma vie, je ne le poursuivrai jamais, et ne parlerai à personne de ce qu'il m'avait fait souffrir. Après avoir rêvé un moment à ce qu'il lui restait à faire, il m'a forcé de m'asseoir dans le fossé, et il m'a lié les pieds comme vous l'avez vu. Enfin, après m'avoir tiraillé par les cheveux, il s'est remis à cheval, toujours sans dire mot, et s'en est allé, espérant sans doute que je périrais dans la situation où il me laissait. J'étais trop indigné contre le capitaine pour faire attention à la partie comique de ce récit, et je détestais du fond de mon cœur les excès inhumains et inexcusables auxquels on avait poussé cette barbare plaisanterie. Je fis de mon mieux pour consoler Madame Duval, et je lui dis que, puisque M. Dubois avait eu le bonheur de s'échapper de sa prison, j'espérais que tout finirait bien, quand elle serait revenue de sa frayeur. « Frayeur ? » reprit-elle, « c'est là le moindre mal. Je suis meurtrie depuis les pieds jusqu'à la tête, et jamais je ne rattraperai l'usage de mes jambes. La seule chose qui me réjouit, c'est que le traître n'a tiré aucun profit de ses cruautés. » Les plaintes de Madame Duval durèrent jusqu'à la fin de notre course. Rendue au château, nous rencontrâmes de nouvelles difficultés. La pauvre femme était impatiente de voir Lady Howard et Madame Mirvan pour leur faire le récit de son aventure. Mais elle ne put point se résoudre de paraître dans l'état où elle était, en présence du capitaine et de Sir Clément. Elle était sûre que l'un et l'autre, loin d'avoir pitié de son sort, ne feraient que s'en divertir. Je fus chargé de prendre les devants, pour épier le moment où elle pourrait gagner l'escalier sans être aperçue de ses persécuteurs. Je réussis à m'acquitter de ma commission, ces messieurs ne jugeant pas à propos de se montrer. Mais ils voulurent du moins contempler encore une fois cet ouvrage et ils se cachèrent pour avoir le plaisir de voir passer Madame Duval. Elle se mit d'abord au lit et prit quelques rafraîchissements. Lady Howard et Madame Mirvan eurent la complaisance de rester avec elle pour écouter le récit de ses malheurs. Miss Mirvan et moi nous nous retirâmes dans notre chambre, ainsi finit cette fatale journée. La satisfaction du capitaine pendant le souper était sans bornes. Il s'applaudissait du bon succès de son plan. J'en ai parlé cependant à Madame Mirvan avec toute la franchise à laquelle ses bontés m'autorisent, et je l'ai priée de remontrer à son époux la dureté de ses procédés. Elle m'a promis de saisir la première occasion pour lui en faire des reproches, et elle s'en serait acquittée sans délai si les dispositions actuelles du capitaine avaient permis d'espérer le moindre effet de ses représentations. En attendant, si l'on machinait encore quelques nouveaux desseins pour tourmenter la pauvre Madame Duval, je ne demeurerais sûrement pas spectatrice indifférente. Si j'avais pu prévoir qu'on en viendrait à de telles extrémités, j'aurais parlé plus tôt, au risque de me brouiller avec le capitaine. Madame Duval a gardé le lit toute la journée, elle se dit froissée à mort. « Adieu, mon cher monsieur. Voilà une lettre d'une longueur digne de servir de pendant à celle que je vous écrite de Londres. »